Histoire à faire peur par Catrel. Madame la princesse est servie. Pourquoi annoncez-vous avant d'avoir pris mes ordres? Vous voyez bien que le prince n'est pas ici. Son Excellence a été retenue fort tard au ministère des Affaires étrangères. Elle achève sa toilette et demande qu'on veuille bien l'excuser. Il fallait attendre que le prince fût descendu. Son Excellence a recommandé ce matin de servir, quoi qu'il arrivât, à 7h30 précise, sans me consulter. Son Excellence a dit « Un chef de cuisine ne peut pas plus répondre d'un dîner qui n'est pas exactement servi qu'un chef de train du convoi qui part en retard. » Ce sont ses paroles. « N'importe, faites attendre et prévenez l'ambassadeur que tout le monde est arrivé. »« Sans vous, nous allions passer très à table, princesse. Moi, ça m'est égal. Mais il y a beaucoup de personnes auxquelles cela est très désagréable. » Je l'avais remarqué. Je suis comme vous, cela m'est égal, mais tout le monde n'est pas comme nous. Tout le monde a fait son compte et tout le monde a dit à tout le monde, moi cela m'est égal, mais tout le monde n'est pas comme moi. Et toujours il en est ainsi, lorsque le surnaturel est en cause. On sourit d'abord, on hausse les épaules. Et pourtant, voici ce qui m'est arrivé, hasard d'un poltron plus hardi que les autres. À peine a-t-il achevé son récit qu'on se dispute la parole pour raconter plus fort que cela. Les aveux émouvants se succèdent, et lorsque la soirée s'achève, on frissonne si les meubles craquent, si le bois pétille dans l'âtre. L'ombre se remplit de formes indécises qui flottent et ondulent comme des blancs d'œufs dans un ruisseau. Des lueurs éteintes apparaissent qui ne projettent aucune clarté. On croit entendre des bruits qui ne font rien vibrer dans l'air. C'est précisément ce qui arriva ce soir-là chez la princesse Anastasia Czepeli. Le nombre 13, celui des convives de la Pâque, souvent redouté, choyé parfois, servit de prétexte et de point de départ aux récits les plus étranges. Peu à peu le cercle se rétrécit, à minuit on était côte à côte et l'on partit en peloton serré. « Il est bien certain, dit le vieux comte Zavenik, que le monde est encore dans l'enfance. L'homme proportionne tout à la durée de son existence. La conception de l'infini, de l'éternel, lui fait absolument défaut. De même que l'horizon relatif s'arrête là où porte notre vue, bonne ou mauvaise, le rationnel et le possible nous paraissent avoir pour limite les limites mêmes de notre intelligence, vaste ou bornée. Nous avons le pressentiment qu'autour de nous, des êtres invisibles et impalpables s'agitent et président à notre destinée. Rien ne peut exister qui n'ait sa part d'idéal. C'est le comble de profiter perte de la réalité. Tout ce qui n'a pas sa justification engrossit le chiffre. Le paganisme a confié les bois, les eaux, l'air, le feu, tout ce qui vit, nous charme ou nous épouvante, à ses faunes et à ses dryades, aux grâces ou aux gorgones, aux sirènes et aux érinies, aux titans et aux océanides. Vers le nord, Thor règne sur l'air, Frère fertilise la terre, Aiguère soulève ou apaise l'océan. Les fées succèdent aux dieux, Mélusine traîne au bord des fontaines ses longs vêtements de deuil, la fée Esther elle chante, accompagnée par la Méditerranée. L'histoire a ses chroniques, les peuples ont leurs légendes, les enfants ont croque-mitaine, les femmes ont l'amour. Le paradis de Mahomet a ses houris. Notre patrie future, notre paradis à nous, est encombré d'archanges, d'anges, de chérubins et de séraphins qui pleurent sur nos fautes et sourient quand nous pratiquons la vertu. Qu'ils doivent avoir les yeux rougis, nos pauvres anges gardiens. Il est certain qu'une pensée qui vient à tous, sans interruption, depuis que le monde est monde, soit sous une forme, soit sous une autre, sous les cieux toujours gris aussi bien que sous les cieux toujours bleus, est une vérité, vérité latente, qui aura tôt ou tard son heure de révélation. Comment expliquez-vous ce qui m'est arrivé l'hiver dernier? Ce n'est pas une légende, cela c'est un fait. Je rêvais que j'étais à la place où j'étais, étendu dans mon lit, à l'heure qu'il était 3h20. Le rêve était en tout semblable à la réalité, seulement j'ai été paralysé. Des mains glacées tenaient mes mains brûlantes. Un être invisible m'attirait à lui. Et toujours mes doigts passaient entre ses doigts secs et osseux, et toujours je retombais inanimé, et toujours, en retombant, ma tête se heurtait avec bruit au dossier de mon lit. Le sang coulait abondamment de mes narines. Par bonheur, je mourus. ma mort me réveilla. L'impression que je ressentis fut très désagréable, et je me levai pour m'assurer que j'étais vivant et ingambe. Il faisait froid. Je me recouchai et dormis paisiblement jusqu'au jour. J'occupe l'entresol. Pour mieux m'isoler, je me suis fait meubler au second étage une logette exclusivement réservée au travail. Je m'étais enfermé depuis 2 heures déjà, lorsque j'entendis heurter brusquement à ma porte et carillonner en même temps. J'ouvris. « Venez, monsieur, » me dit mon valet de chambre, pâle et tremblant, « il y a chez vous une dame qui meurt. »« Chez moi ? Pourquoi chez moi ? Quelle est cette dame ?»« C'est la belle-mère de monsieur Vags. » Ils se rendaient tous deux à la gare de l'Ouest pour prendre le train de Saint-Germain, lorsqu'à 2 pas d'ici, la bonne dame est tombée foudroyée par une congestion cérébrale. On l'a entrée dans une pharmacie où elle a passé 2 heures sans reprendre connaissance. Le patron, craignant qu'elle ne trépasse à chez lui, a fait venir une civière et... Sans en écouter davantage, je descendis, toujours courant, et trouvai, étendu sur mon lit, paralysé, du sang plein les narines, dans l'état enfin où je m'étais vu, la belle-mère de mon pauvre ami Bax, qui venait de rendre l'âme. Me rappelant mon rêve, je regardai l'heure. La pendule marquait 3h20. Le hasard, une coïncidence, expliquerait suffisamment la chose, reprit la baronne d'Agram, désagréablement impressionnée. Le hasard y perdrait son latin, chère madame. Le fils de la morte, Edwin Bluefield, midshipman dans la marine britannique, faisait le quart à bord de l'Ophelia, dans les parages de Sydney, à pareille date. Il a écrit à son père. « Envoie-moi vite des nouvelles de maman. Elle m'est apparue cette nuit. Elle marchait sur la mer, en plein rayon de lune, et m'envoyait des baisers, comme si elle voulut me rassurer. Les vagues étaient remplies de phosphorescence. J'ai poussé un cri en la voyant se diriger vers l'hélice. Elle m'a souri une dernière fois et s'est perdue dans l'écume nacrée. » Cette lettre est parvenue à Southampton le jour où nous avons conduit au cimetière le brave Commodore Bluefield, 3 mois après la mort de sa femme. C'est tout ce que le pauvre vieux époux des Paris avait pu vivre. « Eh bien, mon cher ami, ce que vous nous apprenez là n'est rien auprès de ce qui m'est arrivé, » dit en rétrécissant le cercle la blonde margravine Mileva Androdi. « Contez-le-nous. » Volontiers. J'étais alors à Pétersbourg, je voyais tout le jour ma tante chérie et à jamais regretter Elisabetta Gradiska, qui était, comme vous savez, attachée à la maison de l'impératrice. Je l'aimais de tout mon cœur. Elle m'aimait de toute son âme. Nous étions à l'époque de la débâcle. En avril, le choléra s'en donne. Jamais il n'avait été aussi meurtrier. C'était chaque jour comme une grande bataille perdue, tant il y avait de morts. On enterrait la nuit autant que le jour. Les convois s'en allaient au cimetière à la clarté des torches. Ma mère ne pouvait pas abandonner son service à la cour auprès de la grande duchesse Constantin. Je ne voulais pas quitter ma mère menacée. Or il arriva certains jours qu'en rentrant, après avoir piétiné dans la neige, je glissais sur les dalles de marbre du vestibule et me meurtris le genou. On m'infligea quelques jours de repos, si bien que je demeurai 48 heures sans nouvelles de ma meilleure amie. Mon mari me disait « J'ai rencontré Elisabeth chez la princesse Kotchoubé. On y organise des secours. Elle m'a chargé de t'embrasser. La pauvre créature ne sait où donner de la tête. L'impératrice ne lui laisse pas 1 heure de liberté. Elle tâchera de venir demain. » Si bien que le soir du 3e jour, inquiète en dépit des récits de Simon, je résolus de lui écrire. Il était 11 heures. J'étais seul dans ma chambre. Mon mari lisait dans la pièce voisine dont la porte était ouverte. Le bureau devant lequel je me plaçais était parallèle aux 3 fenêtres. Les 3 fenêtres étaient en face de moi. Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Au moment où j'écrivais, ma bien chérie, Elisabeth m'apparut dans l'angle de la pièce, à gauche, près de la croisée. Elle se détachait, bien distinctement, de profil, sur les rideaux sombres. Je me levai, surprise. Dieu que mon cœur battait! « Douchka, c'est toi, à cette heure-ci, qui t'amène ?» Ma chérie ne me répondit pas. Elle longea lentement la muraille, sans me regarder, sans que je lui eisse faire un mouvement. « Elisabeth, tu me fais peur, regarde-moi donc !» Elle n'eut pas l'air de m'entendre et continua d'avancer, silencieuse et impassible. Ma frayeur redoubla lorsque je la vis s'effacer à demi en passant devant la première croisée. Alors seulement, je remarquai une grande clarté au dehors qui diminua presque aussitôt. Sans le panneau, je revis Élisabeth aussi distincte que d'abord. Je voulais aller vers elle. Je ne puis pas bouger. Je tentai de l'appeler. La voix mourut sur mes lèvres. La seconde fenêtre s'illumina à son tour, et ma chérie, en passant devant elle, disparut à demi. De nouveau, je la vis ainsi, tantôt avec l'apparence de la vie, tantôt comme une ombre confuse, jusqu'à ce qu'elle eût atteint l'extrémité du panneau. Là, elle disparut. Je poussai un grand cri. Simon entra précipitamment dans ma chambre. « Mileva, qu'as-tu ? » me dit-il en me pressant dans ses bras. « Ne me quitte pas. J'ai peur, j'ai froid. Je viens de voir là, Élisabeth, paraître et disparaître comme dans un rêve. Prions pour elle. Son convoi vient de passer sous tes fenêtres. » Jusqu'au jour, nous sommes restés agenouillés. Personne ne prit la parole, et la blonde margravine, Mileva Endrodi, eut tout le loisir d'ajouter mentalement un post-scriptum pieux à son récit. « Je veux vous conter la plus étrange histoire, » dit au bout de quelques secondes le jeune Conrad Radoitzo. « Imaginez-vous, ce sera pour une autre fois, mon cher ami. J'ai la tête suffisamment à l'envers. À Icona, joue-nous une valse, et toi, Conrad, fais-moi danser. Dans quelques jours, nous reprendrons la suite de ces récits de l'autre monde. » C'était « Histoire à faire peur » par 4L.